إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, serviteurs d'Allah, nous approchons de la fin de ce mois béni de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse et sa miséricorde, il a légiféré pour nous certaines adorations en cette fin de mois. Et parmi ces adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées, il y a Zakat al-Fitr, l'aumône de la rupture. Et cette adoration, elle a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala comme une purification pour le jeûneur des péchés et des futilités qu'il a pu commettre en ce mois. Car nul parmi nous n'est à l'abri des manquements et des erreurs. Et également, c'est une nourriture pour les pauvres parmi les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prescrit cette aumône pour le grand et le petit, l'homme et la femme, l'homme libre et l'esclave, parmi les musulmans. C'est donc une obligation qui a été enjointe par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par le noble compagnon, Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prescrit l'aumône de la rupture du Ramadan, un sa' de date ou un sa' d'orge, pour l'homme libre et l'esclave, l'homme et la femme, le grand et le petit, parmi les musulmans. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim. Cette aumône, elle est donc obligatoire pour celui qui possède un supplément de nourriture à ce dont il a besoin pour le jour de l'Aïd et sa nuit. Et elle est sortie par le responsable du foyer, par le père de famille, pour son épouse et ses enfants, ainsi que ceux qui sont à sa charge. Et il est même recommandé de la verser pour l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, avant même qu'il ne soit né. Mais ceci est seulement recommandé. Et ce qui est légiféré pour cette aumône, c'est que tu la verses dans l'endroit où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves au moment de la rupture. Ou alors, si tu es loin de ta famille et que tu es en voyage, comme cela arrive par exemple pour ceux qui sont partis à Umrah durant ce mois et qui feront le Eid à Mecca ou à Medina. Il se peut qu'ils ne connaissent pas les pauvres qui se trouvent en cet endroit. Dans ce cas-là, il lui est permis de mandater quelqu'un parmi ses proches pour qu'il verse pour lui la zakat ainsi que pour sa famille dans son pays d'origine. Et il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah ta'ala. Cependant, si tu te trouves dans ton pays et qu'il y a des pauvres parmi les musulmans dans l'endroit où tu te trouves, il faut que tu saches que nombre de savants ont stipulé qu'il n'est pas permis dans ce cas-là de la sortir dans un autre pays. Et qu'il n'est pas permis que tu envoies de l'argent à une personne dans un autre pays pour qu'il achète avec cet argent de la nourriture pour qu'il la reverse aux pauvres. Car cette aumône, elle est obligatoire d'être versée dans le pays où tu te trouves. Et ceci est la fatwa de l'éminent Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, ainsi que de l'éminent Cheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. D'autres savants ont considéré que cela est permis, mais que cela s'oppose à ce qui est préférable. Et c'est notamment ce qu'a mentionné l'éminent Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Quoi qu'il en soit, il convient donc aux musulmans de privilégier les pauvres de son pays, qui sont autour de lui, avant de penser aux pauvres qui se trouvent dans d'autres pays. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir de compassion envers les pauvres qui se trouvent dans d'autres pays, qui sont plus dans la nécessité que dans le pays où tu te trouves. Cependant, il n'y a pas de mal à ce que tu leur fasses d'autres aumônes. Surtout que la zakat al-fitr, ce n'est pas une somme élevée. Il t'est permis de faire des aumônes à tout moment et tout au long de l'année à ces nécessiteux qui se trouvent dans d'autres pays. Quant à la zakat al-fitr, il est légiféré que tu la sortes dans le pays où tu te trouves. Et quand doit-elle être versée? Quand cette aumône doit-elle être versée? La réponse est que son temps commence à partir du coucher du soleil La nuit de l'Aïd, la veille de la fête, une fois que la fête est annoncée, au coucher du soleil, et ce jusqu'à l'approche de la prière de l'Aïd. Et il est permis de la verser en avance, un ou deux jours avant l'Aïd. Surtout si tu crains de ne pas pouvoir trouver de pauvres avant la prière du Aïd ou la veille de l'Aïd. Alors, il t'est permis dans ce cas-là de la verser un ou deux jours avant la prière de l'Aïd afin d'être sûr de t'acquitter de ton obligation. Et la retarder jusqu'au matin de l'Aïd, juste avant la prière, est le temps le meilleur et le plus méritoire. Cependant, si la personne la retarde après la prière de l'Aïd et qu'il n'a pas d'excuse en cela, alors il doit tout de même la verser. Cependant, il ne doit pas négliger cela et il doit se rappeler de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Quiconque la verse avant la prière, alors c'est une zakat acceptée et quiconque la verse après la prière, alors c'est une aumône parmi les aumônes. » Et ce hadith est rapporté par les imams Abu Dawoud, Ibn Majah, d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, il a été jugé bon par l'imam Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Il n'est donc pas permis de retarder le versement de l'aumône de la rupture au-delà de la prière de l'Aïd. C'est pour cela que si tu penses que tu ne vas pas trouver de pauvres le matin avant la prière de l'Aïd ou la veille de l'Aïd, il est préférable alors pour toi de la verser un ou deux jours avant, qui est son temps de permission. Et les personnes en droit de recevoir la zakat al-fitr, ce sont les pauvres, ceux qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins au long de l'année. Ceux-là sont considérés comme pauvres et il est permis de leur donner l'aumône de la rupture. Tu la donnes donc directement aux pauvres et il est permis de mandater une autre personne afin qu'il achète pour toi la nourriture ou tu lui donnes directement la nourriture pour qu'il la reverse à un pauvre. Cependant, il faut faire attention qu'il respecte bien les conditions légiférées et qu'il donne les aliments légiférés selon les quantités légiférées et dans le temps légiféré, c'est-à-dire avant Salat al-Aïd. Donc si tu dois mandater quelqu'un pour l'aumône de la rupture, ou pour tout autre aumône d'ailleurs, tu dois prendre soin de choisir une personne de confiance et qui a connaissance des règles légiférées liées à cet aumône que tu lui as confié. Quant à la quantité qui doit être versée pour l'aumône de la rupture, alors, comme il est venu dans le hadith, c'est un sa' de dattes ou un sa' d'orge parmi les aliments qui sont mangés par les gens du pays. Il est venu dans d'autres hadiths qu'il a été mentionné donc, les raisins secs, al-aqit, qui était une sorte de fromage séché que les gens mangeaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces aliments peuvent être sortis en zakat al-fitr. Et la mesure qui doit être sortie, c'est un sa'. Et le sa', c'est une mesure qui équivaut approximativement à 3 kilos, comme l'a mentionné l'imam Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Certains gens de science ont mentionné les mesures précises pour chaque aliment, si c'est du riz, si c'est des pâtes, si c'est de la farine, de la semoule ou autre. Cependant, il n'y a pas de mal pour le musulman à prendre ses précautions, à mettre en pratique cette fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Ainsi, s'il verse 3 kilos, il est sûr qu'il a atteint le sa', incha'Allah ta'ala. Et il n'est pas permis de verser l'aumône de la rupture en argent à la place de la nourriture. Car ceci s'oppose au texte. En effet, l'argent était présent au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'au temps des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et s'il était valide de la sortir en argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait exposé cela à sa communauté. Et ce parmi les gens de science qui ont stipulé qu'il était permis de sortir sa valeur en argent, ils ont stipulé cela suite à un effort de réflexion de leur part. Et l'effort de réflexion, il peut être juste ou il peut être faux. Et de chacun on prend ou on rejette, à l'exception du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de sortir la valeur de l'aumône de la rupture en argent s'oppose à la sunna, car cela n'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni d'aucun parmi ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et certaines personnes trouvent cette parole dure, de dire que cela s'oppose à la sunna, de sortir l'aumône de la rupture selon sa valeur en argent. Ils disent, comment vous dites que cela s'oppose à la sunna alors que l'a stipulé un tel et un tel parmi les gens de science? La réponse est dans ce que l'on a dit précédemment. Ils n'ont stipulé cela que suite à un effort de réflexion de leur part. L'effort de réflexion, il peut être juste ou il peut être faux. Et nous avons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit clairement que l'aumône de la rupture doit être sortie en nourriture, un sa' de dattes ou un sa' d'orge, etc. Certains vont dire d'accord. Alors pourquoi permettez-vous de sortir l'aumône de la rupture dans d'autres aliments que ceux mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths? La réponse est simple. Elle se trouve dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qui a dit: nous avions pour habitude au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la verser d'un sa' de nourriture, et notre nourriture était les dattes, l'orge, les raisins secs et al-aqit. C'est-à-dire qu'il a compris radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné ces aliments à titre d'exemple parmi les aliments dont ils se nourrissaient à leur époque radiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est permis de sortir l'aumône de la rupture d'un sa' de la nourriture que les gens consomment dans le pays dans lequel où tu vis. Comme le fait par exemple de sortir un sa' de riz ou un sa' de pâtes, si les pâtes font partie des aliments de base qui sont consommés dans le pays dans lequel tu te trouves. Quant au fait de la sortir en argent, alors ce n'est pas permis. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a stipulé cela. Et il a dit qu'il n'était pas permis de la sortir en argent. On lui a alors dit, certaines personnes disent que Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, l'a donné en argent. Il a alors dit, rahimahullah, et écoutez cette réponse de l'imam Ahmed, il délaisse la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire un tel a dit, alors que Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhum, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prescrit l'aumône de la rupture un sa' de dattes ou un sa' d'orge, etc. Donc on voit, à travers cette réponse de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qu'il est contraire à la sunna, qu'il est contraire à la sunna de sortir la valeur de la nourriture en argent pour l'aumône de la rupture, car cela s'oppose clairement à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque l'a sorti en argent, alors ceci est une aumône parmi les aumônes, et il lui incombe de la sortir dans le temps légiféré en nourriture, comme cela a été prescrit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était simplement un aperçu de quelques points essentiels liés à l'aumône de la rupture. Et je vous renvoie, inshallah ta'ala, à un dépliant que nous avons publié l'an passé sur la zakat al-fitr, l'aumône de la rupture, qui résume l'essentiel des règles liées à cela, accompagnées de leurs preuves. Et également, je vous renvoie à un PDF que nous avons sorti il y a plusieurs années avec de nombreuses fatwas de gens de science et dans lesquels vous pouvez trouver d'autres questions liées à ce sujet. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.